chaque mois million pour fête, chaque seconde million pour mourir. Yo n'a plus d'autre, Dieu dit m'y a la fin, ma vie, ça va arriver. Sacré chaque mois, va tout le plus riche, nous même qui gagne pour sa fête, regardez-nous. Y'a plus ma chance de que bien le monde, sans sacrifier, c'est ma vie de Dieu. Je dis que la femme m'a dégoûté, ça va arriver. Sacrifié pour ma tout le plus riche, comme un gigabou, ça va être regardé. Nous, y'a plus de chance que bien le monde, sans sacrifier, c'est pas quitté. Sans faire ce loué, gardez. Sans faire ce loué, mais pas de oua, surtout que mon type va monter. Sans faire ce loué, les grands mètres la varée, que mon type va monter. Sans faire ce loué, moi dis sans faire ce loué. Sans faire ce loué, mes baguettes là où il y a mon petit vide écrasé. Sans faire ce loué, garde si fait la pluie, garde mon petit grand grand goût. Sans faire ce loué, moi dis sans faire ce loué. Ça fait animal, l'homme on peut pas craser cuivre. Second petit foc à occuper. Garde maman qui chita en Haïti. Si mando foc à bon petit gâteau. Pas jouer parce qu'on pas connaît moins. Moi dis sauver. C'est loué. fese noua. Sa pa fe yo di mwen la dani. Sa fese noua. Di mi go a se li mwen kone. Sa fese noua. Si fe mal voka kritike mwen. Sa fese noua. Gat problem ka pase devan nou. Sa fese noua. Gat ki jan fre yo ap kaze fe. Sa fese noua. Mwen di sa fese noua. Sous-titrage Société Radio-Canada.